tombé, des anti-rois fatigués, un sentiment qui commençait, et qu'elle ne peut pas contrôler, des la pique à tomber, et souvenir vous monter. C'est si mon est belle. Est-ce que tu as songé caramel ou tu as joué ma belle? J'ai caramel pour sa paye en la pluie. Alors, adieu caramel.